Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 70. Des fruits de l'Esprit Saint. Que, les fruits sont des actes procédant des vertus divines. Ces actes diffèrent des béatitudes par infériorité. 12 fruits énumérés par saint Paul. Les fruits sont contraires aux œuvres de la chair. 1. Les fruits de l'Esprit Saint sont-ils des actes? L'arbre se connaît par ses fruits, dit l'Évangile, Matthieu 12, 32. Cela ne signifie-t-il pas que l'homme est connu par ses œuvres ou par ses actes? Les actes humains peuvent, conséquemment, être appelés des fruits. Le mot fruit a été pris du monde des corps. Aussi, de même qu'un fruit matériel peut être rapporté à l'arbre qui le produit et à l'homme qui le cueille, de même les fruits de l'homme, spirituellement parlant, peuvent signifier ce que l'homme produit et ce qu'il recueille comme dernière fin de ses travaux et de son espérance, la béatitude elle-même. Donc, puisqu'on peut appeler fruit ce que l'homme produit, les actes humains sont des fruits de la raison, s'ils procèdent de nos facultés intellectuelles, ils sont des fruits de l'Esprit Saint, s'ils dérivent d'une vertu surnaturelle, c'est-à-dire de la grâce, qui est une semence divine. 2. Les fruits de l'Esprit Saint diffèrent-ils des béatitudes? Les fruits sont seulement des actes vertueux et agréables, au lieu que les béatitudes désignent des actes parfaits et excellents. Les béatitudes peuvent très bien recevoir le nom de fruits, mais tous les fruits ne s'élèvent pas à la hauteur des béatitudes, œuvres parfaites qui reviennent aux dons plutôt qu'aux vertus. Note. Les actes des vertus, disait saint Ambroise, s'appellent fruits, parce qu'ils apportent à notre esprit une jouissance pure et sainte. Fin de la note. 3. Les fruits de l'Esprit Saint sont-ils convenablement énumérés par saint Paul? L'apôtre, dans son épître aux Galates 5, énumère 12 fruits, d'après les fins diverses que l'Esprit Saint se propose en se donnant à nous. Au premier rang se place la charité, par laquelle ce divin esprit, qui est l'amour même, se communique à nos âmes. La charité produit ensuite, comme amour de Dieu, la joie et la paix, la patience et la résignation, comme amour du prochain, la bonté, la bienfaisance, la douceur et la fidélité, par rapport à nous-mêmes, la modestie pour les actes extérieurs. La continence et la chasteté dans les désirs intérieurs de la concupiscence. 4. Les fruits de l'Esprit Saint sont-ils opposés aux œuvres de la chair? Les fruits de l'Esprit Saint sont, en général, contraires aux œuvres de la chair. L'apôtre disait, la chair a des désirs contraires à l'esprit en a de contraires à la chair. Galates 5, 17. Il en est ainsi, parce que l'Esprit Saint nous porte à ce qui est conforme ou plutôt à ce qui est supérieur à la raison, tandis que la concupiscence nous entraîne vers les biens sensibles, qui nous sont inférieurs. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.